Le lendemain, 7 mai, le soleil brillait de tout son éclat. Comme il avait des vivres en suffisante quantité, le docteur résolut d'attendre en cet endroit un vent favorable. La journée se passa en agréable propos. Avec la force, revenait l'espoir. Avec l'espoir, l'audace. Le passé s'effaçait devant l'avenir avec une providentielle rapidité. Joe n'aurait jamais voulu quitter cet asile enchanteur. Le lendemain, le temps se maintenait au beau avec obstination. Le docteur, voyant le mercure baisser très sensiblement dans le baromètre, résolut de faire ses préparatifs de départ pour profiter de la première occasion. Pendant le reste de la journée, il attendit vainement un changement dans l'atmosphère. Mais, vers 3 heures du matin, le ciel se couvrit de nuages et l'obscurité augmenta. « Alerte !» s'écria Joe en réveillant ses deux compagnons. « Alerte ! Voici le vent !»« Enfin !» dit le docteur en considérant le ciel. « C'est une tempête ! Au Victoria ! Au Victoria !» Il était temps d'y arriver. L'ouragan entraînait la nacelle qui rayait le sable. Le rapide Joe courut à toutes jambes et arrêta la nacelle, tandis que l'aérostat se couchait sur le sable au risque de se déchirer. Les voyageurs regardèrent une dernière fois les arbres de l'oasis et bientôt, ramassant le vent d'est à 200 pieds du sol, disparurent dans la nuit.